Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Quand le corps rend fou, qui est le coupable? Celle qui se montre ou celui qui regarde? Celle dont le tort est de se montrer telle qu'elle est, ou celui qui vit la tentation comme un outrage dont il serait victime? Quand le coupable porte le masque de la victime, c'est l'imposture à son comble, mais c'est aussi le meilleur des ressorts comiques. Bonjour Patrick Dandrey. Bonjour Adèle Vendrette. Vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université Paris-Sorbonne, et vous qui connaissez Molière comme si vous aviez vécu à ses côtés, diriez-vous que l'imposture est l'un des ressorts comiques majeurs de ses pièces ? Exactement, tout à fait, ça c'est tout à fait vrai. L'imposture, je dirais que c'est la cristallisation sous la forme d'un caractère, le caractère d'imposteur, d'une situation comique fondamentale qui est la mystification. Pour obtenir du rire, il faut que quelqu'un de plus malin mystifie quelqu'un de plus sot ou de plus aveugle. Alors chez Molière, ça peut être très positif, il y a pas mal de valets qui sont des mystificateurs sous le nom de fourbes. Et évidemment, si on connaît un peu moins le Mascari de L'Étourdi, sa première comédie, on connaît très bien les fourberies de Scapin. Et oui, le Scapin de la fin de sa carrière, qui fourbe pour rendre service à des jeunes gens charmants dont le mariage est l'enjeu comique. Par conséquent, la mystification, l'imposture, se met ici au service du bien, au service des personnages sympathiques. Vous avez des fourbes qui sont, je dirais, plus neutres. Je pense au comte d'Orante dans Le Bourgeois Gentilhomme. Il trompe le bourgeois gentilhomme en jouant sur les fantaisies de gentilhommerie que M. Jourdain a dans la tête. Il s'en sert à son compte, hein, et lorsqu'il fait croire à M. Jourdain qu'il lui met entre les mains la marquise d'Orimène, en réalité c'est pour lui que d'Orante travaille. Mais ça ne nous gêne pas trop, c'est un imposteur somme toute que nous trouvons relativement sympathique parce qu'il est moqueur. Et puis il y a les imposteurs négatifs. Alors, les imposteurs négatifs, ce sont des mystificateurs qui sont là pour œuvrer, non pas en faveur du mariage des jeunes gens, mais en faveur du prétendant négatif qu'un père ou une mère autoritaire veulent affliger à leur fille. C'est par exemple le cas de Trissotin, dans Les Femmes Savantes, qui cultive la manie de savoir et de belles lettres de Philaminte pour essayer d'obtenir la main de sa fille, et puis surtout la dot qui va avec. Et c'est bien sûr le cas du plus grand de tous les imposteurs, c'est-à-dire celui qui a, je dirais, en lui toute la panoplie complète, et qui est Tartuffe. D'ailleurs, dans le sous-titre de la pièce, c'est Tartuffe ou l'imposteur. Voilà, Tartuffe ou l'imposteur, avec pour premier titre, parce que la pièce a été créée plusieurs fois, on ne connaît pas très bien les conditions de la première. D'abord en 1664. Voilà, en 64, plutôt sous le titre L'Hypocrite, puis une nouvelle version en 67, après l'interdiction de 64 par le Parti des Veaux. En 67, ça s'appelait L'imposteur, puis c'est devenu Tartuffe ou l'imposteur. Et dans tous les cas, de toute façon, semble-t-il, Tartuffe présente une double imposture, une double face. Et c'est en quoi il est intéressant pour ouvrir cette semaine que vous allez consacrer, Adèle, à l'imposture. Parce qu'il est à la fois imposteur social et imposteur moral. C'est-à-dire qu'il y a en lui un escroc, comme on l'apprendra au dernier acte de la pièce. Il appartient à un monde interlope qui relève de la police. Bref, il y a une dimension de l'imposture qui est l'escroquerie sociale. Mais le plus intéressant, évidemment, c'est ce qu'il développe pendant les autres actes, c'est-à-dire le masque du bien pour couvrir le mal, l'hypocrisie. Vous savez ce que la Rochefoucauld définissait comme un hommage que le vice rend à la vertu, ce qui est une jolie définition. Et c'est la combinaison des deux, l'hypocrisie et l'escroquerie, qui permet à Tartuffe d'être un imposteur complet qui, de surcroît, et c'est là sa force, a trouvé sa dupe. Et sa dupe en un Orgon, qui est un personnage dégaré, hein, comme tous ces personnages que l'on va trouver au centre des comédies de Molière, qui sont à la fois, ou tour à tour, des chimériques, c'est-à-dire des personnages hallucinés, ou bien des obsessionnels, c'est-à-dire des gens qui ont une idée fixe, qui mutilent leur vision du monde. Et évidemment, il suffit à l'imposteur de se greffer, de greffer son masque sur cette idée fixe, en l'occurrence pour Orgon, c'est la dévotion, pour que Orgon ne voit plus rien, pour l'aveugler, le mettre dans cette cécité absolue qui lui cache que, croyant avoir recueilli chez lui un ascète, il a en réalité recueilli chez lui un vorace. Orgon ne voit plus rien, mais il ne parle que de lui, c'est-à-dire que de Tartuffe. Écoutez la première entrée en scène D'Orgon, il retrouve Cléante, son beau-frère, et Dorine, la suivante de Marianne. Dorine essaie de lui donner des nouvelles de son épouse, parce que Orgon a été absent un moment, et son épouse a été malade, donc Dorine lui donne des nouvelles, et Tartuffe, pardon, Orgon, justement, n'a qu'un mot à la bouche, et Tartuffe. Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne, à présent, n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille. Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea deux perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous deux se portent bien enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Le Tartuffe, adaptation radiophonique par Michel Sidorov, c'est sur France Culture en 2008. Ce sont ces extraits qui vont accompagner cette émission avec vous, Patrick Dandré. Le pauvre homme, c'est la phrase qui revient dans la bouche d'Orgon en permanence. C'est le premier moment vraiment comique de la pièce, dont il faut dire que si elle porte le nom de Tartuffe, celui-ci n'apparaît pas avant bien longtemps et que le spectateur, l'auditeur, attend pendant les premiers actes l'arrivée de celui qui en réalité orchestre tout, mais que l'on ne voit pas. C'est cela, oui. Tartuffe est un peu caché, et il est caché, mais on parle de lui. Et le fait qu'on parle de lui indique la place qu'il occupe, qui est une place vide, une espèce de centre qui aspire tout. Et il est donc dans une fonction un peu d'image, hein, l'image. On le voit sans le voir, on en entend parler sans l'entendre. Et dans cette scène, nous avons, par une espèce de réduction, de capacité de globalisation du propos qui est caractéristique de Molière, nous avons en place la situation, c'est-à-dire le mari, la femme. Scène 4 de l'acte 1. Voilà, nous sommes donc dans l'acte 1, juste au moment de l'exposition, le mari, la femme et l'amant. Alors, c'est frappant, je vais me permettre de faire un tout petit peu d'histoire littéraire, mais je vous promets, Adèle, j'en abuse pas. Nous sommes devant un modèle de farce gauloise, très connu, qui est le mari Benet, la femme Gourgandine et le curé Libidineux. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Parce que la femme va se révéler tout à fait honnête femme, le curé libidineux va se révéler pas tout à fait prêtre et... Complètement libidineux en revanche. Complètement libidineux, et libidineux tellement que sa voracité, qui est ici présentée de façon bien concrète à travers le gigot en hachis et la perdrix, est une voracité qui s'adresse à deux objets, puisqu'il est insinué auprès d'Orgon avec un double espoir, qui est... de suborner la femme et d'épouser la fille, ce qui est intergénérationnel. Et cette dualité, cette double voracité, ce n'est plus le modèle de la farce gauloise dont je parlais tout à l'heure, le mari, la femme, l'amant, c'est le modèle de la tradition italienne, c'est-à-dire le père abusif, la fille à marier, le prétendant négatif, opposé au prétendant positif pour lequel le cœur du spectateur ne cesse de battre. Et donc, ces deux modèles ont été croisés par Molière pour réaliser cette situation où on va voir Tartuffe tenter à la fois d'obtenir par la main de Marianne, fille d'Orgon, les biens de la dot, la position sociale, enfin tout ce qu'il peut souhaiter, lui qui n'est qu'un gueux dont l'habit valait à peine six deniers, lorsqu'il a été découvert par Orgon dans une église, et lorsque tout devant lui, à deux genoux, il venait lancer sa prière pour satisfaire la marotte des votes. C'est une espèce de coup de foudre, on entendra Orgon qui raconte la première rencontre avec Tartuffe, il est séduit absolument. Exactement, et puis en même temps, il y a l'idée qui va le perdre, Tartuffe, qui est de harceler Elmire, employant un mot contemporain, puisque c'est ce qu'il fait et que par deux fois, il va tenter sa chance. La première fois, en l'absence d'Orgon... Elmire, c'est la femme d'Orgon. C'est la femme, voilà. En l'absence d'Orgon, et il sera aperçu par le fils d'Orgon, Damis, mais Orgon ne le croira pas. Tartuffe renversera la situation. Puis la seconde fois, c'est la fameuse scène qui est d'origine farcesque. Et là, on retrouve la farce gauloise où Orgon, caché sous une table, va assister à ce qui se passe au-dessus de la table. C'est-à-dire un Tartuffe très entreprenant et très avançant, une Elmire très reculant et se demandant à quel moment son mari sera enfin convaincu, va sortir de la table. Voilà. Alors ça, c'est la situation. Dans cette première scène, la situation est admirablement montrée par l'usage, je dirais, profond, moral, que fait Molière d'un trait de comique le plus élémentaire, qui est le comique de répétition. Dans le comique de répétition du « Et Tartuffe, le pauvre homme !» nous avons la cécité d'Orgon, son caractère obnubilé, son obsession de Tartuffe et son incapacité de voir ce que Dorine lui met sous les yeux, c'est-à-dire que quand Orgon n'est pas là, l'ascète devient un gros mangeur, gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille, et Orgon n'est pas capable de voir cette image. Parce que, en interposition, s'est placée l'idée qu'il se fait de Tartuffe, la création, l'invention qu'il a faite en quelque sorte de Tartuffe, son Tartuffe à lui. Parce qu'Orgon a trouvé en Tartuffe quelqu'un pour incarner son besoin, son désir, son idée fixe, la dévotion. Et nous voyons dans les comédies de Molière des gens qui s'engouent pour une série de valeurs. Il y a ceux qui sont engoués pour la vertu, ceux qui en sont engoués pour le savoir, ceux qui sont en désir d'argent, ceux qui sont en désir de santé, ceux qui sont en désir de gentilhommerie. Vous avez vu passer un certain nombre de noms, allusivement. Et puis il y a celui qui s'est entiché de dévotion et qui a trouvé son imposteur. Et c'est un couple bien fermé, bien clos. Ils sont dans une relation étrange. Tout le monde autour voit que ça ne fonctionne pas, mais entre eux, ça marche. Pour résumer, nous avons Orgon et Elmire, mari et femme, qui ont pour enfants Damis et Marianne. Tartuffe, le faux dévot, a donc réussi à séduire Orgon, qui est littéralement tombé amoureux de lui, en tout cas qui a eu ce coup de foudre de dévotion à son tour envers ce personnage. Valère, qui va être l'amant de Marianne, Cléante, le beau-frère d'Orgon. Tous ces personnages s'organisent autour d'Orgon pour essayer de lui faire voir le vrai. Bien sûr, Orgon étant complètement aliéné par son admiration pour Tartuffe, ne voit rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la scène qu'on a entendue, c'est Dorine. C'est la suivante de Marianne, donc le personnage le plus secondaire. En fait, il n'en est rien chez Molière bien souvent. Mais c'est la suivante qui essaye de faire entendre le vrai, comme si on pouvait déjouer l'imposture. Enfin, tout le monde ne pouvait pas déjouer l'imposture et que seule Dorine, suivante de sa propre fille, pouvait essayer de lui attirer les yeux sur le vrai. Oui, il y a un autre personnage qui va le faire, c'est Cléante, son beau-frère. Il y a une sorte de conjuration. Elmire va essayer de le lui dire aussi. Son fils Damis va s'y employer. On voit qu'il y a une conjuration des gens éclairés contre l'autre conjuration, parce qu'il faut voir que Orgon a une mère, Madame Pernel, qui elle aussi est complètement entichée de Tartuffe, que Tartuffe a un valet, Laurent, qu'on ne voit guère, mais même qu'on ne voit pas en scène, mais qui fait une espèce de double du personnage. Ils sont donc quatre, si on compte bien. Madame Pernel, Orgon, Tartuffe et le valet Laurent. Et en face, ils sont quatre ou cinq. Il y a un équilibre entre les deux. Il y a les gens qui sont dans le faux et puis les gens qui sont dans le vrai. Et ce qui est frappant, c'est que l'imposture de Tartuffe est doublée par une forme d'imposture d'Orgon. L'imposture de Tartuffe est consciente, c'est quelqu'un qui joue un rôle, mais l'imposture d'Orgon, elle a beau être inconsciente, elle existe. Son imposture, c'est d'avoir vis-à-vis du monde une vision qui est tronquée, une vision sélective. Il ne voit plus qu'eux. Il ne voit plus que par la dévotion, il ne voit plus que par le ciel, son salut à faire. Et à partir de là, il est comme envahi par une idée, une valeur, un thème qui lui fait tout accepté, qui lui fait ne plus rien voir et qui fait qu'il est, vis-à-vis du réel, dans un rapport qui est un rapport d'imposture lui aussi. Donc l'imposture est du côté de celui qui trompe et de celui qui est trompé. Je crois, oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'imposture sélective du côté de d'Orgon et puis une imposture globale, si vous voulez, du côté de Tartuffe. Tartuffe a choisi de greffer son mal, son imposture sur le bien absolu qui est le ciel. Il n'y a rien de plus fort et de plus difficile à faire tomber. Et on peut donc dire que la pièce a une double focale. C'est la fourberie extérieure de Tartuffe, c'est-à-dire son masque, mais aussi la fourberie intérieure, intime et involontaire d'Orgon, qui est son égarement. Et là, une réciprocité d'imposture. C'est un homme qui... Ah ! Un homme ! Un homme, enfin ! Qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés il détache mon âme, et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierais autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons, mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. « C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. » Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pêcher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. C'est le moment, Patrick Dandré, la scène 5 du premier acte, où le comique devient grinçant, voire où le tragique pointe son nez, puisque lorsque le spectateur assiste au portrait de l'aliénation d'Orgon par Tartuffe, on comprend qu'on est en train de basculer vers la folie. Et il n'est pas anodin que Tartuffe, que la rencontre se fasse devant une église et que Tartuffe soit comme l'envoyé du ciel. Derrière cette imposture, il y a quand même celle de la religion. Oui. Encore que le coup de la puce, moi je trouve ça assez drôle, vous voyez. Ça reste drôle, mais on commence à avoir peur, on commence oui, à transpirer en se disant... Oui, parce que nous sommes un siècle sombre. Mais je vous assure que quand c'est joué avec un peu d'énormité, ça peut être très amusant. En réalité, ce qu'il y a là, c'est très subtil, c'est une parodie d'une pratique qui est une pratique historique de l'époque, qui est celle de la direction de conscience. Et il faut revenir un peu là-dessus. Les directeurs de conscience, c'était des clercs, des laïcs, pieux, qui jouaient le rôle de confesseurs auprès de gens qui avaient besoin d'être conduits sur les voies du salut. L'Église n'avait pas assez de prêtres pour cela, et donc elle instituait des gens connus pour leur bonne mœur, pour leur sincérité, enfin bref, vous voyez, des tartuffes, pour devenir des modèles à suivre aveuglément de la part de leurs brebis. Et ces directeurs de conscience développaient un corps de doctrine positif et négatif. Le corps positif, c'était le charme délectable de la vertu. Le corps négatif, c'était la censure de tous les plaisirs. Au moment où Orgon va obliger Marianne à épouser Tartuffe, il lui décrit ce que va être le bonheur de l'union qu'elle aura. Comme dit Dorine, oui, c'est un beau museau. Bon, eh bien oui, alors ce bonheur, ce sera de pouvoir mortifier ses sens grâce à une richesse à nulle autre seconde que le vilain minois de Tartuffe lui permettra d'éprouver. Et lorsque, dans une espèce d'exaltation, parce qu'en fait, à travers sa fille, c'est lui qui épouse Tartuffe, Dorine le lui dit, si vous l'aimez tellement, c'est qu'elle est poussée. Exactement. Orgon lui s'exclame, vous serez comme deux tourtereaux, comme de vrais enfants. Et c'est frappant, cette comparaison. Il marie sa fille à Tartuffe pour qu'ils soient deux enfants, c'est-à-dire du plaisir sans sexe et du sexe sans plaisir. Ça, c'est vraiment l'esprit de la direction de conscience. Et alors, la direction de conscience supposait une obéissance aveugle. On trouve chez saint François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, qui est un petit peu le créateur de ce modèle, et chez ceux qui lui ont succédé, des formules comme « Ne considérez pas votre directeur comme un simple homme. Obéissez-lui comme vous obéiriez à Dieu. N'est-ce pas Dieu qui parle quand le directeur parle ?» Et là, le phénomène social a créé une situation que Molière a merveilleusement exploitée en un sens comique, qui fait que Orgon est en quelque sorte le bras armé de Tartuffe et le bras qui lui permet de saisir et d'agripper ce qui est à sa portée, cependant que Tartuffe, c'est un peu la conscience d'Orgon objectivée, une espèce d'extérieur de ce que Orgon souhaite, ils sont tous les deux dans un état de médiation réciproque. C'est-à-dire que Tartuffe justifie l'autorité d'Orgon, qui lui permet d'exercer une tyrannie, on peut le dire, sur sa famille, et Orgon attribue, par sa médiation, à Tartuffe, les biens et les plaisirs dont Tartuffe a besoin. Le gigon hachis, la perdrix, nous y revenons, puis le reste aussi, éventuellement sa fille, sa femme et sa maison. Si bien que nous sommes dans une situation de réversibilité. Chacun est en quelque sorte dans le besoin de l'autre. Mmh. Et ça tourne, mais d'une manière qui est perverse. Et là, vous avez raison. Ça devient inquiétant parce que quelque chose s'introduit qui, pour nous, est très moderne, qui nous parle immédiatement, qui est que chacun est prisonnier de l'image qu'il se fait de l'autre. Chacun est prisonnier de l'attente de l'autre. C'est le couple, on l'a dit au début, hein, du fourbe et de la dupe, mais c'est aussi le couple du fou et de son idée fixe. Et c'est la conjonction des deux qui fait la force de ce rapport, qui est un rapport, en fait, du désirant à son désir. Tartuffe satisfait sa voracité par la médiation d'Orgon, et Orgon accomplit son salut par la médiation de Tartuffe. Mais ce lien pervers de domination réciproque que vous pointez, Patrick Dandré, qui tient d'ailleurs, enfin, dans lequel on voit que c'est l'imposture qui est responsable de l'aliénation. Oui, et qui en est l'expression, oui. Est évident, mais ne doit pas nous conduire à passer sous silence la dimension religieuse. La pièce s'adresse quand même, ici dénonce une certaine imposture. Quelle imposture religieuse qui va faire que, au moment où Molière joue la pièce, elle sera ensuite interdite et le roi, sous la pression du lobby religieux, si je peux parler en ces termes, interdira la pièce et Molière devra la réécrire. Il y a une dénonciation objective derrière tout ça. Alors, il y a une dénonciation de l'excès auquel la religion peut mener. Mais le mécanisme peut être structurellement dégagé dans sa pureté comme si la religion était simplement l'écran sur lequel on projette ce film-là. On pourrait projeter ça sur autre chose. C'est encore plus subtil qu'une dénonciation de la religion. On va trouver deux ans après, dans le Misanthrope, la même relation. Tartuffe s'appellera Célimène, Orgon s'appellera Alceste, Elmire s'appellera Philinte. Enfin là, je joue un peu parce qu'il y a une différence de sexe, mais c'est un peu la même situation. Ça ne sera plus la religion, ça sera la vertu, ça sera la sincérité, ça sera l'honnêteté. Alors bien sûr, la résultante ne sera pas la même. Mais je dirais que la religion, c'est un activeur des effets d'imposture. Mais ce qui me semble être à la base de tout ça, c'est qu'en réalité, il y a entre eux, si vous voulez, un effet, et c'est là que la religion peut jouer, de démiurgie. C'est-à-dire que Tartuffe est un imposteur religieux, donc c'est un dieu. Et pour Orgon, c'est son dieu, parce que je dirais qu'il est là pour modeler son disciple sur une image de perfection inaccessible qui en réalité sort de la tête d'Orgon. Tartuffe démiurge, c'est Orgon despote. C'est-à-dire que Orgon va être, en tant que dévot, une espèce d'intégriste qui soumet même Tartuffe au carcan de sa demande incessante. Il y a dans ce que fait Orgon vis-à-vis de Tartuffe de l'étonne-moi de Diaghilev à l'égard de Cocteau. Et je vous assure que étonner quelqu'un tous les jours, c'est difficile. D'où la puce. Parce qu'il faut pousser à l'hyperbole. On l'a reproché à Molière en disant il va trop loin. Ben oui, mais c'est que Orgon est demandeur. Sa voracité, c'est aussi une voracité d'image. Il a besoin de consommer de l'image de Tartuffe. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un effet de miroir réciproque. Et on ne sait plus qui est le modèle et qui est le reflet. Ils échangent leurs fonctions. Orgon constitue Tartuffe en un double banifié de lui-même, en un idéal, et il s'adore à travers cette image. C'est une forme d'idolâtrie. Nous parlions de religion, il y a une idolâtrie. L'amour propre, vous savez, est retors. La Rochefoucauld l'apprend, nous l'apprend à la même époque. Les Maximes, c'est la même date, un an près que Tartuffe. Nous sommes donc devant cette idée que Orgon constitue Tartuffe en un double de lui-même et Orgon se voit comme le reflet dégradé de Tartuffe idéalisé. Je dirais qu'il y a une perversion du narcissisme d'Orgon qui est de se faire le miroir de son propre idéal incarné par Tartuffe. Vous voyez la réciprocité et sa complexité qui fait que la folie d'Orgon est de se prendre pour un miroir destiné à refléter Tartuffe, à refléter la sainte face de Tartuffe, mais en tant qu'idéal de soi. Parce que Tartuffe étant l'idéal de soi d'Orgon, Orgon se fait le réceptacle de l'image idéale de lui-même qui sculpte en s'assimilant à Tartuffe. Et c'est cela qui est la perversité, l'idolâtrie. Vous me parlez de religion, oui, mais le dieu de Tartuffe, d'Orgon, c'est Tartuffe. Et évidemment, le dieu de Tartuffe, c'est pas du tout Dieu parce qu'il y croit pas, certainement, Tartuffe. C'est Orgon. Nous sommes donc dans un phénomène d'assimilation réciproque où on ne sait plus qui imite qui. C'est ça, et la religion ne serait qu'un des effets de l'expression de cette aliénation dont finalement Orgon est lui-même responsable. Disons que c'est un magnifique lieu pour exprimer les choses. Alors bien sûr, il y a de l'idée, il y a une critique sans doute implicite, il y a un phénomène de choix, mais nous avons quand même, me semble-t-il, avant cette idée que Tartuffe imite le dévot qu'Orgon voudrait être et qu'Orgon imite le dévot qu'il croit Tartuffe être. C'est comme ça que ça marche et qu'on aboutit à cette asymptote qui est que si Orgon devenait parfait, Tartuffe ne lui servirait plus à rien. Conclusion, il faut que Tartuffe s'arrange pour être toujours une case en avant. C'est-à-dire qu'il creuse la distance. Mais en même temps, Orgon doit tendre à être toujours plus Tartuffe, c'est-à-dire à être parfait. Au total, on pourrait dire que Tartuffe est le tableau où l'imagination d'Orgon peint le portrait dans lequel ils sont censés l'un et l'autre se reconnaître, auquel ils doivent en quelque sorte s'assimiler dans le cadre d'une dictature de l'image. Tartuffe, c'est le fantasme d'Orgon qui nous crée un peu la surprise de nos rêves. Vous savez, quand on pousse une porte et puis qu'on trouve derrière la porte quelqu'un qui nous surprend, c'est quand même nous qui inventons le rêve. Mais je vous assure, on est très surpris parce qu'on s'y attendait pas. Eh bien, je dirais que les surprises que crée, et qu'il vient de nous raconter avec cette histoire de puce, que crée Tartuffe et Orgon, sont un peu du même ordre. Il y a une espèce d'aspiration d'Orgon à faire corps avec une image. Donc la première imposture, c'est celle que l'on s'impose à soi-même. C'est la mauvaise foi avec laquelle nous concevons. Exactement. Et qui fait que nous déposons sur un objet extérieur la cause qui conduit à cette aliénation, en l'occurrence pour Orgon, c'est Tartuffe. Sauf que cet objet a toute l'évanescence des rêves et des images, il est un fantasme. Je rêve d'une mise en scène où le même acteur jouerait Orgon et Tartuffe alternativement. C'est pas possible, faut pas donner des idées comme ça au metteur en scène, c'est injouable. Mais c'est cela le fond de la chose, c'est qu'il y a entre eux un effet d'osmose, mais marqué par la malédiction du double. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait en osmose, et ce qui fait l'énergie de la pièce, c'est justement cette dialectique du double et de l'osmose. Tartuffe souhaite la femme, la fille, les biens et les secrets d'Orgon. Il souhaite être Orgon. Et Orgon jette sa femme dans les bras de Tartuffe. Non, vous la fréquenterez, en dépit de tous. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. C'est la forme d'assimilation. Ça explique que quand Damis va faire le délateur et révéler qu'il a aperçu Tartuffe faisant la cour à Elmire, Orgon pourra pas le croire, parce qu'on peut pas être cocufié par son ange gardien. On ne peut pas être cocufié par soi-même. Pour Orgon, Damis ni personne ne comprend leur secret. Damis est son fils. Hein. Son fils, oui, nous l'avons dit tout à l'heure. Et les auditeurs sont très, très... très attentifs, mais il y en a peut-être qui ne vous écoutent pas depuis le début, il faut bien rappeler quand tort. Même. Ils ont tout à fait tort. Ils n'ont pas entendu le début de la pièce. Mais donc, Damis ni personne ne peut comprendre leur secret, qui est le secret d'une assimilation. C'est pour ça que la cure d'Orgon, ça ne sera pas une délation, ça sera une expérience vécue de dédoublement. C'est-à-dire qu'il lui faudra prendre conscience de l'annulation de leur communion des âmes, de leur communion des saints. Il faudra révéler à Orgon l'opacité de Tartuffe. C'est cette opacité qui va se révéler dans la scène où Elmire attire Tartuffe pour que Orgon entende ce que c'est que le saint et le dévot ascète qu'il a introduit chez lui. Et le but d'Elmire n'est pas de convaincre, c'est de guérir. c'est de guérir Orgon, d'où la durée de la scène. Elmire se demande s'il va enfin sortir. Et elle le moque d'ailleurs quand il sort, vous sortez enfin. Pourquoi ? Parce que l'autre n'y croit pas. Et il le dit. Alors, il faut dire que, justement, Elmire va mettre en scène, c'est le cas de le dire, une situation dans laquelle Tartuffe va pouvoir apparaître sous son jour le plus vrai, aux yeux d'Orgon qui ne veut rien voir. Et donc, elle fait en sorte de le séduire pour que Tartuffe, n'en pouvant plus, soit prêt à se jeter sur elle, et qu'à ce moment-là, Orgon, parce qu'il ne pouvait rien entendre, va ouvrir les yeux et voir de ses propres yeux, caché sous la table, ce qui est en train de se passer. On est ici, en plein théâtre. Et vous remarquez que le moment où il sort, ce n'est pas quand Elmire dit que « Ouf, vous me serrez trop ». Non, c'est le moment où, à propos d'Orgon, Tartuffe dit « C'est un homme entre nous, amené par le nez ». C'est au moment où Tartuffe... Oui, c'est pas le fait de voir sa femme séduite par un autre homme qui le gêne. On sait pas, il est sous la table. Mais on sait qu'il sort au moment où Tartuffe a dit cela. Il y a quand même faut quand même imaginer la scène où on a Tartuffe sur Elmire, qui est sur une table sous laquelle se cache son mari. Oui, enfin, ils sont de part et d'autre de la table, parce que nous selon sommes selon les mises en scène, siècle. Parfois, le sandwich ah est, oui, est plus serré. Ah oui, mais les mises en scène sont des trahisons. Dans le texte véritable, nous sommes à par une définition. Époque où un homme ne se couche pas sur une femme qui elle-même est couchée sur une table. Il est très entreprenant quand même, Tartuffe, en tout cas, à ce moment-là. Théâtre. Ah oui, oui, oui. Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse, bien sûr. Mais la scène, ce qu'elle présente, en fait, c'est la dissension, la séparation des deux personnages. Et il est frappant qu'au cinquième acte, lorsque Tartuffe sera allé dénoncer Orgon au roi comme un ennemi politique, parce que Orgon a gardé des papiers compromettants d'un ami en fuite, qui au moment de la fronde n'avait pas pris le parti de Louis XIV, à ce moment-là, Tartuffe est dénoncé par la police du roi. Il est reconnu pour un fourbe renommé dont, sous d'autres noms, le roi était informé. C'est-à-dire qu'il se dilue, il se dissout sous des pellicules d'imposture. C'est un imposteur au carré, au cube. C'est vraiment l'homme idéal pour le début de votre semaine sur l'imposture, Adèle. Et dans cette perte d'identité, il se révèle pour ce qu'il est, un pur fantasme d'Orgon, qui, lorsqu'Orgon n'y croit plus, n'existe plus. Le sujet de la pièce, c'est quand même, prononçons le mot, le fanatisme, un certain enthousiasme poussé à l'excès qui fait que l'on peut s'aveugler soi-même en déposant ce fantasme, justement, ce rêve, ce désir, sur une tierce personne, qu'elle soit un être humain, Dieu ou encore autre chose. Comment dénoncer ou décrire ce fanatisme en faisant rire? Et si peut-être le rire était la meilleure des façons de faire la peau à ce fanatisme, c'est ce que pense un philosophe et politicien anglais du XVIIe et XVIIIe siècle, entre les deux, qui s'appelle le comte de Shaftesbury, qui écrit ce texte qui semble être exactement adapté à la pièce que nous sommes en train d'écouter. Puis vous entendrez ensuite Cléante qui, à Orgon, formule le procès de ce qu'on pourrait appeler le fanatisme. Écoutez. Certaines nations avisées ont eu jusqu'ici la sagesse de laisser libre cours à la folie des gens et de ne jamais punir avec sévérité ce à quoi l'on pouvait répondre par le rire, ce que cet innocent remède guérissait après tout le mieux du monde. Il y a chez les êtres humains certaines humeurs qui doivent nécessairement s'épancher. L'esprit, comme le corps de l'homme, sont tous deux sujets aux commotions. Et de même qu'il y a dans le sang d'étranges ferments qui provoquent dans de nombreux corps des décharges extraordinaires, il y a aussi dans la raison des particules hétérogènes qui doivent être évacuées par le biais de la fermentation. Nous pouvons qualifier de panique toute passion élevée dans la multitude et qui se transmet par l'aspect ou, pour ainsi dire, par contact ou sympathie. Ainsi, on peut qualifier de panique la fureur populaire, lorsque la rage des gens, comme nous en avons eu l'expérience, les met hors d'eux-mêmes, tout particulièrement là où la religion s'en est mêlée. Dans cet état, leurs regards trahissent déjà l'infection. La fureur vole de visage en visage et la maladie sitôt aperçue est attrapée. Ceux qui, dans un état d'esprit plus serein, ont vu le pouvoir de cette passion s'exercer sur une multitude, ont reconnu avoir vu quelque chose de plus épouvantable et de plus terrible dans le visage de ces hommes que ce qu'ils ont pu voir à d'autres moments s'exprimer dans les circonstances les plus passionnées. Car telle est la force de la société sur les passions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et une affection est d'autant plus forte qu'elle est sociale et communicative. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi ? Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux et qui n'adore pas de vaines simagrées, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi ? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion ? Vous les voulez traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage ? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne ? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, ils passent ses limites. Et la plus noble chose, ils la gâtent souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'imposture cette semaine et aujourd'hui de Tartuffe ou l'imposteur, la pièce de Molière qui est écrite dans les années 1660. Et vous écrivez, Patrick Dandré, que dès les années 1660, Tartuffe analyse et décortique bel et bien, depuis la scène comique et par les moyens de la comédie, un processus, larvaire ou fantasmé, peu importe, de prise du pouvoir sur les esprits par une pensée et une pratique religieuse, tournant à l'intégrisme et teinté de fanatisme. On peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là à condition de marcher à grandes enjambées et de franchir la Manche. Je vous y invite. Comme on l'a vu, Savoy est un Anglais. En fait, on part de la dévotion extrême. La dévotion extrême que nous appelons, nous, l'intégrisme. On s'aperçoit qu'elle est toujours la combinaison de deux choses, l'aveuglement et la tyrannie larvée. L'aveuglement, parce que, on l'a vu avec la direction d'intention, ça consiste en une démission de la conscience. On remet sa conscience entre les mains de quelqu'un, on se prive de sa propre liberté de conscience et envie de médiation. Tartuffe est un médiateur pour Orgon. Cette servitude volontaire appelle forcément à servir les autres et à souhaiter que les autres aussi soient dans cette privation de liberté de conscience. Et ça, c'est la tyrannie. La conjonction des deux, ça fait que Orgon est victime de la fascination d'un fantasme qui, pour moi, le fanatise. Alors, le mot fanatisme n'a pas ce sens-là, n'existe pas en ce sens au XVIIe siècle, et en particulier en France. Mais il se trouve qu'à la même époque en Angleterre, l'afflux depuis plusieurs décennies, et qui va augmenter avec la révocation de l'édit de Nantes, de différentes sectes protestantes qui arrivent en ayant été persécutées, qui sont formées de groupuscules extrêmement mus par la violence, par la présence de Dieu, avec souvent des prophètes tout à coup saisis par la parole divine, a créé une situation où les intellectuels anglais de l'époque se sont interrogés sur cette espèce de maladie sociale, qui est en même temps une maladie personnelle, et qui consiste pour des zélateurs à suivre des prophètes qui se disent inspirés, et qui forment une espèce de danger social, parce qu'ils veulent imposer leur vision à tout le monde. Ce sont des choses qui sont de l'époque, mais qui pourraient être relativement contemporaines pour nous. Mmh. Et ils ont donné un nom à cela, à cette espèce de folie de ces prophètes qui se croient inspirés par Dieu et qui jettent des foules sur les routes. Ils appellent ça l'enthousiasme, l'enthousiasme, c'est-à-dire le fait d'avoir Dieu en soi. L'enthousiasme, il me semble, et on l'a entendu... C'est un extrait, la lettre sur l'enthousiasme. Voilà, qui date de 1708, mais ça a commencé au milieu du XVIIe siècle, d'ailleurs avec un auteur qui est un intellectuel anglais qui est d'origine française, qui est lui aussi un protestant, enfin qui vient d'une famille protestante qui a été chassée, c'est Méric Casaubon qui a fait la première réflexion, la première lettre sur ce phénomène. L'enthousiasme paraît être ce que nous appelons le fanatisme, c'est-à-dire une maladie collective qui a une vocation de propagation. Et c'est cela qui me semble fort dans l'idée d'enthousiasme, c'est pour ça que je me permets de le rapprocher, non pas pour dire que Molière ait lu les Anglais, puis d'ailleurs c'est un peu plus tardif, pour dire que c'était le moment, si vous voulez, c'est mûr. Mmh. Je pense que les idées dans une civilisation, dans une culture, elles arrivent au même moment dans des lieux différents. Et alors que nous avons coutume de placer plutôt, nous, ces débats entre le fanatisme et bien sûr son contraire, la tolérance, au XVIIIe siècle, il me semble que Molière a anticipé ce débat et que la présence en Angleterre d'une réflexion de ce type montre que l'état de conscience est parvenu à ce point-là. Peut-être parce que on est dans une grande phase d'insurrection de la subjectivité du sujet, de la conscience du sujet. C'est pas moi le philosophe autour de cette table, hein, Adèle. Mais enfin, nous savons que Descartes, quand il pense, ce n'est pas n'importe qui pense, c'est je. Mmh. Hein. Et donc, il est, et qu'il est lui, en tant que personne. Il y a comme une individualisation de la sagesse et de la vérité. Une individualisation de l'accès à la vérité. Et le fanatisme, l'enthousiasme, ce que ça a d'inquiétant, c'est que ça se propage de manière collective. Et qu'il y a des visionnaires qui entraînent ce que d'ailleurs le Shaftesbury appelle très heureusement des fanatiques, des enthousiastes de seconde main. Seconde main, c'est-à-dire des gens qui sont pénétrés par la vision médiate, de manière médiate, par la vision que leur prophète a eue. Il y a des phénomènes de ce type qui se sont continués dans l'Amérique des télé-évangélistes de nos jours, dans cette forme d'enthousiasme à tous les sens du terme. Mais dont à laquelle Shaftesbury dit que nous pouvons répondre par le rire. La première phrase de la lettre sur l'enthousiasme, et celle-ci je la répète, « Certaines nations avisées ont eu jusqu'ici la sagesse de laisser libre cours à la folie des gens et de ne jamais punir avec sévérité ce à quoi l'on pouvait répondre par le rire. » Ça, c'est le débat le plus contemporain qui soit. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux manières que voit Shaftesbury de faire un remède à ce fléau. C'est le retourner en phénomène positif ou le dégonfler par la dérision. C'est Charlie. Le deuxième, c'est Charlie. Et le premier, ce n'est pas si étranger non plus à notre culture. C'est l'idée qu'il y a dans cet instinct grégaire une vertu de sociabilité, un souci d'être ensemble, un souci de ne pas faire individualité. Vous voyez, nous sommes dans une période, je vous le disais, au XVIIe, où l'individualisme monte. Il y a la réaction, c'est toujours comme ça. Hein, c'est le yin et le yang de toutes les cultures. Il y a une volonté de retour au groupe. Et on le voit dans certaines civilisations, dans certains lieux, où des intégristes accèdent au pouvoir, ils le font aussi en ayant joué un rôle de sécurité sociale, et qui n'est pas un rôle négligeable, qui est un rôle réel. Simplement, la sécurité sociale, ils la bâtissent sur l'idée qu'il faut absolument croire en Dieu et de la façon dont ils y croient, et d'une manière qui est un tout petit peu étroite, vous voyez. Et ce premier aspect, c'est donc la volonté de contourner cela, c'est-à-dire en fait ce que fait Shaftesbury, de laïciser ce qu'il y a de bon. Donc, dans l'instinct grégaire, en enlevant ce qu'il y a de terrible et qui est la tyrannie exercée sur les autres, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas comme vous. Et puis, le second élément, vous avez raison, c'est dégonfler cela par la dérision. C'est-à-dire que pour Shaftesbury, il y a un critère de la vérité qui est la capacité de supporter la dérision. Alors ça, c'est effectivement, vous avez raison, très moderne et très Charlie. C'est l'idée que le rire est le test of trust. Je ne sais pas prononcer l'anglais. Vous savez, j'appartiens à une époque, le XVIIe siècle, où, pour dire Buckingham, on écrivait Bouquincamp. Merveilleuse époque. Donc, c'est un test de vérité. Vous voyez le rire. Et je dirais que la gravité, écrit Shaftesbury, est l'essence même de l'imposture. La gravité, l'essence même de l'imposture. Oui. Chaque fois que j'entre dans un amphi de Sorbonne, je me le dis, n'ayons pas l'air grave. Moi, en studio quand même. Essayons de montrer que nous nous moquons de ce que nous sommes. Oui, c'est le critère de vérité, le wit, la capacité de supporter l'humour. Parce c'est le trait d'esprit, ouais, le wit. Voilà, parce que l'humour pacifie la fureur et dégonfle les passions. Or, il y a dans Tartuffe un moment où cela est dit. C'est le moment où Cléante demande à Tartuffe de rendre raison de sa volonté d'épouser Marianne et où Tartuffe rompt en visière en lui disant que certains devoirs pieux le commandent là-haut et qu'il ne veut pas parler. Dans une lettre qui a été écrite par un appui de Molière qui s'appelle « La lettre sur l'imposteur », cette attitude est définie en termes d'irraisonnabilité. Irraisonnabilité. Ces messieurs, dit cette lettre à propos des Tartuffes, des faux dévots, ne veulent pas raisonner leur foi. Et là, vous avez un vrai débat sur la religion, qui est d'où procède la religion ? Est-ce que c'est un élan mystique qui ne s'explique pas ? Ou est-ce comme en 1661, contemporain donc de Tartuffe, presque, Joseph Granville l'écrit dans un livre qui s'appelle « The Vanity of Dogmatizing », c'est décidément pas ma joie aujourd'hui. On vous comprend très bien. Avec tous ces termes anglais. Oui, quand je prononce l'anglais, je le comprends. C'est quand les anglais le prononcent que je ne comprends pas. C'est dans ce texte, Granville dit que la foi procède de la raison et qu'elle doit être un rempart au délire de l'imagination. Il y a là vraiment deux conceptions de la foi. Et je ne dirais pas que Molière est anti-religieux. Je reprendrai simplement le vers que vous nous avez fait entendre. Je ne sais pas s'il fait partie de cette tirade. Quand Cléante dit « Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur ». Alors là, vous voyez, nous sommes véritablement dans cette idée. Le retrait personnel sur ce que doit être le fort intérieur, dans lequel le débat se déroule caché, scellé, secret, privé, entre Dieu et le croyant, ou entre pas Dieu et l'incroyant, ça ne regarde personne, et ça ne regarde pas le roi. Et là, nous voyons fonder une nouvelle idée, qui est une idée formidable, c'est l'idée de tolérance. C'est l'idée de tolérance qui, en Angleterre, est en train de naître en parallèle au traité sur l'enthousiasme. C'est John Locke qui écrit en 1689 un traité sur la tolérance. Mais il y avait eu d'autres éléments avant et on voyait déjà d'autres personnages parler de cette chose-là. Ce sont deux pays voisins et totalement différents. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, qui était un édit de tolérance. En 1689, Guillaume III signe le Toleration Act. Encore de l'anglais. Mmh. Et donc, la tolérance, vous voyez, c'est vraiment la manche sépare deux conceptions. La tolérance, c'est une idée philosophique totalement neuve, parce que elle existait. Il y avait une tolérance politique, celle de l'édit de tolérance, de l'édit de Nantes. Vous savez, la tolérance, c'était le moyen de permettre à deux religions de se refaire leurs forces pour que chacune espère écraser l'autre. Pour mieux s'affronter, oui. Voilà. Et puis, il y a la tolérance religieuse. Et la tolérance religieuse, c'est l'autorisation pour certains esprits d'errer sur des points de doctrine qui ne sont pas trop graves, à condition qu'ils respectent les points fondamentaux. C'est une espèce d'indulgence accordée à l'errance, comme l'explique à la même époque Bossuet. Et c'est une tolérance, donc, qui regarde ce que l'on dit, ce que l'on écrit et qui peut tolérer certaines choses et d'autres pas. Le geste fondamental que va faire Locke et que l'on trouve dans la tirade aussi, peut-être, oui, dans la tirade de Cléante et que l'on va retrouver dans le Misanthrope, c'est l'idée que la tolérance est un principe et que je respecte la position de l'autre, non pas en dépit de son erreur ou bien parce que quand même je peux m'accorder avec lui sur un petit quelque chose. Mais je la respecte uniquement parce qu'il est autre. Et je la respecte, je dirais même, à proportion de la distance qu'elle a vis-à-vis de ma propre Mais tout conception. Le théâtre de Molière vise à montrer combien il est difficile d'adopter cette position de tolérance. Ah ça oui, il est difficile parce que nous avons des oppositions qui viennent, des passions qui viennent du refus de la liberté personnelle, qui viennent de la verticalité d'une société qui manifeste dans les familles un pouvoir des pères sur les fils Donc, et sur les filles. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, depuis le XVIIe siècle, oui. Nous avons exactement les mêmes problèmes. Ce sont des problèmes semblables à l'égard de la religion et de l'individu. Posés différemment, oui. Disons que c'est le début d'un mouvement qui est celui de notre modernité. C'est à ce moment-là que ça s'articule. Et ce mouvement qui est celui de notre modernité, il est en germe dans une culture qui est encore une culture ancienne, celle de Molière, avec la religion d'État. Et nous nous trouvons donc au moment de la pliure, c'est-à-dire au seuil où les idées sont en train de germer, où on sent que la tolérance est en train de sortir toute armée de la tête de la cuisse de Jupiter, et qu'il y a là un grand changement, un changement tellurique de pensée. Et ce que la philosophie fait en Angleterre, je crois que la poésie est capable de le faire en France, ça s'appelle poésie, la poésie dramatique. C'est-à-dire que par d'autres moyens, sans poser les concepts de la même façon, sans les définir, le littéraire dit des choses que le philosophe dit autrement. C'est notre dialogue, Adèle, c'est-à-dire la philosophe et le littéraire. Et nous convergeons, mais à partir de bases qui sont différentes. Et je crois que c'est ce qui se passe, allez, n'ayons pas peur, entre Molière et Locke, ou Molière et Shaftesbury. C'est une comparaison qui nous honore, n'est-ce pas ? Molière serait donc l'antidote au fanatisme. Ah oui, tout à fait. Diplomatic, hip for hypocritic, try for trilandorus, tap for tapanaris, city buckets, them I got on day, city buckets, them I got on day, city buckets, them I got on day, mango. Merci à vous, Patrick Dandré, d'être venu nous parler du Tartuffe aujourd'hui de Molière. Je renvoie les auditeurs à